l'origine du mal se trouvaient non pas des hommes mauvais, ni un diable mal intentionné, mais un mauvais démiurge. Un créateur qui n'aurait pas bien fait son boulot et qui aurait tout simplement raté. Raté le monde dans lequel nous vivons. C'est l'hypothèse du philosophe Émile Cioran qui va même jusqu'à parler d'un dieu taré qui se moquerait de nous. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon ? J'ai jamais dit ça. Non. Je me déteste. Alors je dirai jamais ça. Je dirai, je sais pas, déteste ton prochain comme tu te détestes toi-même. Mais c'est moi Dieu. C'est moi qui ai inventé toutes les emmerdes. T'es un gentil, toi. T'as un gros cœur. Ludovic. Ta maman est morte quand t'avais 5 ans. Non ? Elle est morte quand t'avais 5 ans, t'as eu du chagrin. Oh. Et t'as eu la polio juste après. La polio. Oh, pauvre Ludovic. T'as une petite jambe qui est plus courte que l'autre. Hein ? C'est triste. Et la petite Cécile, tu te souviens de la petite Cécile ? Elle était jolie, la petite Cécile. T'étais amoureux de Cécile. Tu l'aimais, Cécile. Hein ? Et quand t'es été lui donner des fleurs, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle t'a dit non, elle t'a rionné. Elle t'a rionné parce qu'elle était avec l'autre grand con qui avait une mobilette. Mais toi, tu pouvais pas avoir de mobilette parce que t'avais une jambe plus courte que l'autre. Eh ben, tout ça, c'est moi. C'est moi ! Tu comprends ça ? Bonjour, Simona Modreanu. Bonjour, Adèle. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Depuis la Roumanie, vous êtes à Iași. Merci alors d'accepter d'être avec nous à distance. Merci à vous de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. C'est un plaisir partagé, surtout sur ce sujet. On n'a pas trop de 50 minutes pour essayer de le déplier. Est-ce que le dieu taré, c'est une phrase de Cioran, hein, le dieu taré dont il parle a un rapport avec le dieu qu'on vient d'entendre interprété par Benoît Poulvorde ? Écoutez, en l'entendant, je me demandais précisément ce que Cioran en aurait pensé. Lui qui est déjà passé en BD, comme j'ai vu, il y a 2-3 semaines. Exactement, dans un petit livre, je le cite, qui s'appelle « On ne peut vivre qu'à Paris », avec des dessins de Patrice Réti aux éditions Bibliothèque Rivage, qui est un petit livre très réussi, avec des aphorismes de Cioran, donc mis en BD. Très réussi, parfait, sauf le titre. Ah. En fait, je pense que le titre va exactement à l'encontre de ce que Cioran disait et aurait dit. On ne peut mourir qu'à Paris, plutôt. Puisqu'il l'a souvent écrit, il a souvent parlé de Paris comme l'endroit idéal où se rendre pour terminer ses jours. Et il disait même à une certaine époque que c'était l'endroit favori des intellectuels roumains. Qui, malheureusement, et parmi les surréalistes, il y en a eu un bon nombre, qui sont effectivement allés terminer, achever leur jour à Paris. Donc j'aurais transformé ce titre dans la perspective, dans l'optique cioranienne, mais bon, cela aurait peut-être attiré moins de lecteurs. Cela dit, le dieu taré est effectivement une vision cioranienne, et pour se développer un petit peu, il faudrait quand même revenir sur la question du mal chez Cioran, puisque cette question du mal est essentielle, et évidemment de la création ratée et somptueusement par le christianisme notamment, puisque Cioran n'arrête pas de jeter ses récriminations et d'insulter Dieu à travers le christianisme notamment, qui a non seulement introduit le temps linéaire dans le monde, qui n'est pas un gain pour l'esprit humain, mais qui en outre a également introduit cette notion de Gehenna, cette notion d'enfer, qui est d'après Cioran une construction hideuse, et là il retrouve un petit peu Berdiaev, la pensée chrétienne de Berdiaev, puisque ça prive notre vie spirituelle de toute dignité, la plaçant sous le signe d'une crainte perpétuelle finalement. Et donc pour Cioran, le monde est raté, la création est certainement ratée, et c'est pour cela qu'il a souvent recours au mauvais démiurge, qui est une notion à prendre avec des pincettes, comme toutes celles de Cioran par ailleurs, dont la pensée est protéiforme, polymorphe, oui. et se déploie sous le signe de la contradiction, du paradoxe, mais de la complémentarité également, de l'ambiguïté et de l'ambivalence. Oui, c'est comme ça qu'il faut définir la relation de ce rang à Dieu. D'ailleurs, elle est paradoxale, elle est ambivalente. Je précise deux choses. Simona Modreanu, Le mauvais démiurge, c'est le titre d'un ouvrage de Sioran qui paraît en 1969, on va y revenir. Mais aussi, il faut quand même le savoir, Sioran était lui-même fils de prêtre ou de pope. Il grandit dans un certain rapport à la religion, ce qui explique sans doute son ambivalence. Tout à fait, oui. Ce qui explique plein de choses. Ce qui explique d'abord ses connaissances assez profondes sur la religion chrétienne d'abord, et notamment sur la mystique chrétienne, puisqu'il a grandi à l'ombre des saintes, comme il le dit lui-même. Il était passionné par Thérèse d'Avila, par Catharina de Siena, par Angela de Foligno, et surtout par Maître Eckhart, qu'il estime être le maître du paradoxe en matière de religion, sous Othaler et tant d'autres. Et puis, en grandissant, en évoluant, il a certainement élargi ses connaissances, ses notions, vers la gnose, dont il se sentait très proche, et puis plus tard vers le bouddhisme, auquel il a pratiquement essayer d'adhérer, pour ainsi dire. Enfin, il déclare à un moment donné, si j'étais né bouddhiste, je le serais resté. Mm-hmm. Né chrétien, je n'ai cessé de l'être dès mon premier jour. Donc, il y a toutes ces dimensions, tous ces volets de sa pensée qui circonscrivent une relation complémentaire, mais paradoxale à Dieu. Un Dieu dont il a besoin. Dieu lui est utile. Dieu est probablement la seule notion fondamentale chez Sioran. Il a besoin de lui pour s'en prendre à lui, pour l'échec de la création, pour l'échec de l'homme, pour l'échec de la théodicée. Il n'y a pas de justification au mal qui règne dans le monde, non ? Si on prend ces trois petites propositions qui sont essentielles pour toute théodicée, à savoir Dieu est tout-puissant, Dieu est bon et le mal existe, il est extrêmement difficile de donner une réponse cohérente et acceptable pour tout le monde à ce genre de questions. Donc, Sioran a besoin de s'en prendre à Dieu en permanence. Et puis, en même temps, il faut dire, si vous me permettez, j'aimerais le préciser dès le départ, que Sioran est beaucoup plus que ce pessimiste, nihiliste, athée, qui éteint la veilleuse du monde, enfin bon, qui éteint les portes de l'Occident et qui met le cadenas sur un monde dégradé. Il est bien plus que cela. Sioran est véritablement une espèce de mystique renversée, de mystique à rebours, puisque Dieu est non seulement présent tout le temps chez lui, il est vrai le plus souvent sur le mode conflictuel, mais pas uniquement. Il dit très souvent qu'on ne peut penser Dieu en dehors d'un sentiment religieux. Il dit même, il affirme que Dieu est, même s'il n'est pas. Bon, c'est une phrase sur laquelle on pourrait débattre pendant des heures et des heures. Et qu'est-ce qu'il dit encore ? Il dit qu'il ne connaît pas de plus belle formule que celle de se perdre en Dieu et que l'enfer est de fait la prière interdite. Donc, quelqu'un qui affirme des choses pareilles est loin d'être un athée. Dieu est son obsession définitive, celui qui a vraiment défini les grands axes de toute son œuvre, aussi bien l'œuvre romane que celle française. Et évidemment, il y a eu toutes sortes d'évolutions dans ces échauffourées avec Dieu. Je crois le mauvais avoir eu l'intuition depuis longtemps du manque de vitalité de l'Occident, enfin, de sa préparation à l'agonie. Je dis même ceci, n'est-ce pas ? L'Occident est certainement condamné. Et inconsciemment, tout le monde le sait, mais peu osent l'exprimer, le dire. Il y a une sorte de dessèchement affectif chez l'occidental. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anémie, que je n'appellerais pas pernicieuse, mais enfin, certainement incurable. Sur le plan religieux même, il y a une sorte de, comment dirais-je, de vide intérieur. On croit officiellement, extérieurement, ou à l'Église, enfin, sur le plan du catholicisme, on défend encore le catholicisme, mais on s'est fait plutôt pour lui. Enfin, une sorte de diminution d'intensité sur tous les plans. L'agonie de l'Occident, diagnostiquée par Émile Sioran, c'était en 1950. Il faut distinguer, avant d'aller plus loin, Simona Modréanou, et d'entendre des textes de Sioran, et d'entendre à nouveau sa voix, qui va nous expliquer pourquoi il croit en Dieu alors qu'il lui reproche tant de choses. Il faut distinguer tout de suite Dieu de la religion. Dans l'extrait que l'on vient d'entendre, Sioran remarque une baisse d'intensité de la religion qu'il semble regretter. Et il en déduit ce qu'il appelle l'agonie de l'Occident, si bien que dans religion, il pourrait y voir aussi, dans le mot même et dans l'élan même religieux, quelque chose qui aurait pu être positif et que la religion chrétienne aurait atténué, aurait étouffé. Tout à fait. D'ailleurs, si on songe à l'étymologie de religion qui est « legare » et non en latin, donc « relié », la religion est forcément ce qui nous sort de nous-mêmes et nous jette vers l'au-delà, vers autre chose, vers quelque chose qui nous dépasse. Donc, il ne nous laisse pas nous limiter et nous enfoncer dans notre propre ego. Et de ce point de vue-là, Sioran rejoint la vision de Nietzsche, du moment départ, non, du Dieu qui est mort en Occident, puisqu'il n'est plus une substance vitale, puisqu'il ne fournit plus de matière à conflit, à antagonisme, à hostilité, si vous voulez. Dieu est devenu quelque chose de... Il en parle d'ailleurs dans ses livres, du Dieu fainéant. Ce n'est pas le premier qui en parle. Un mot composé de fait et de néant. Ou Dieu estos, non, le Dieu fatigué. D'ailleurs, il y a dans la tradition roumaine et balkanique ancienne, il y a beaucoup de légendes qui parlent de la fatigue de Dieu, de l'affaiblissement de l'intelligence de Dieu. Mircea Eliade l'évoque souvent dans ses écrits également. Donc ce Dieu qui s'éloigne, ce Dieu qui est étranger, qui est quelque part au-delà, dont on ne sait rien, voilà pourquoi la connaissance apophatique est la seule envisageable. Un Dieu donc qui nous dépasse de si loin, qu'on a besoin de le concrétiser, de l'anthropomorphiser en quelque sorte, et c'est le mauvais démiurge qui l'illustre bien. Mais effectivement, Sioran déplore dans ce dépérissement de la foi en Occident une source légitime et profonde de connaissances et de réflexions. De réflexions, fut-elle conflictuelle à nouveau, mais de réflexions qui nous met en doute nous-mêmes. Et c'est l'une des explications, si vous voulez, du choix de son style fragmentaire, qui est de plus en plus fragmentaire, non, vers la fin de sa vie. Style fragmentaire qu'il partage à nouveau avec Nietzsche, mais évidemment avec les grands maîtres français, la Rochefoucauld, Chamfort et d'autres, puisque le style fragmentaire est fondamentalement celui du doute, et que cette pensée de Dieu sert également à nous mettre en doute en tant qu'humains, non, de l'anthropocène dont on parle de plus en plus ces derniers temps, non, l'homme qui gère tout, qui a la prétention de contrôler la nature, l'univers et soi-même, ce qui, pour Sioran, est évidemment loin d'être vrai. Et en plus, il y a un affinement de l'esprit dans ce combat perpétuel contre Dieu qui se perd lorsqu'on se contente de notre propre et seule petite personne mondaine. Oui, Dieu nous permet de sortir de nous d'une certaine manière. Alors, puisque vous évoquez la relation à Nietzsche, c'est difficile de ne pas y penser quand on parle justement de la relation entre un philosophe et Dieu, du constat d'une perte d'intensité de la religion et donc une perte de ferveur occidentale. Et puis surtout, on va y venir, hein, de la redéfinition du bien et du mal. Sioran, sur bien des points, partage la pensée de Nietzsche, mais sur d'autres, il est extrêmement critique. Il écrit dans « De l'inconvénient d'être né » ceci, il dit à un étudiant qui voulait savoir où j'en étais par rapport à l'auteur de Zarathoustra, donc Nietzsche, « Je répondis que j'avais cessé de le pratiquer depuis longtemps. Pourquoi ?» me demanda-t-il. Et il répond « Parce que je le trouve trop naïf. Je lui reproche ses emballements, je lui reproche jusqu'à ses ferveurs. Il n'a démoli des idoles que pour les remplacer par d'autres. » Un faux iconoclaste avec des côtés d'adolescent et je ne sais quelle virginité, quelle innocence inhérente à sa carrière de solitaire. Il n'a observé les hommes que de loin, et il conclut un peu plus tard, je trouve plus de réconfort et même plus d'espoir auprès d'un empereur fatigué qu'auprès d'un prophète fulgurant. Quel texte ! Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il s'agit de deux styles de pensée qui entretiennent une grande proximité de ton et de forme, au moins au départ, dans sa jeunesse. Donc effectivement, le jeune Cioran, le Cioran des livres romains, est profondément marqué par cette fougue, par ces emballements, par cet enthousiasme néronien, pour ainsi dire, de Nietzsche. Mais plus il avance dans l'âge, plus il avance dans la voie du scepticisme. Et à ce moment-là, il découvre ou il croit comprendre. Bon, je ne dis pas qu'il a tout le temps raison, mais il croit comprendre que Nietzsche est resté dans cette forme d'enthousiasme d'adolescent qui est finalement une affirmation, une profonde affirmation. Donc Nietzsche est d'un vitalisme que Cioran combat dans son essence, alors que lui-même, bon, c'est plutôt dirigé dans l'autre sens, ou si vous voulez, à dépasser les deux, puisque vous mentionniez tout à l'heure le bien et le mal. Il n'y aurait pas de différence possible à donner dans et à travers l'œuvre de Cioran, puisque Cioran balance sans cesse entre le bien et le mal, leur trouvant des justifications tantôt à l'un, tantôt à l'autre, avec une préférence pour le mal, certes, mais en tout cas, il va bien au-delà. Et là, il faudrait probablement intégrer cette notion de tiers inclus qui provient d'une philosophie développée par Stéphane Lupasco et puis reprise par la transdisciplinarité. Cette logique du tiers inclus qui combat en fait la logique aristotélicienne du tiers exclu sur laquelle nous avons bâti pratiquement l'Occident entièrement son existence. Donc ce tiers inclus donc, qui permet un dépassement du bien et du mal, mais non pas dans cette espèce de synthèse hegélienne qui finalement atténue les deux extrêmes, mais sur un autre plan de réalité où les deux peuvent coexister. Cette coexistence, cette ambivalence, je pense, est le sceau essentiel de toute l'œuvre cioranienne. Il n'y a pas que quelque chose ou quelque chose d'autre, il y a une chose et une chose, ou plusieurs choses d'autres, puisqu'à nouveau sa pensée est protéiforme et polysémique, elle ne saurait s'arrêter à une vision duelle. Vous voulez dire que c'est le penseur du « en même temps » Oui, c'est le penseur du « en même temps » et de l'entre-deux. Donc il y a souvent cet entre-deux, ce « no man's land », si vous voulez, qu'il trouve extrêmement fertile pour la pensée et pour l'imagination. Ne pas se laisser encager, non, ne pas se laisser enfermer dans une définition trop stricte de l'un ou de l'autre, se contredire tout le temps soi-même. Donc il y a une permanente contradiction chez Cioran, ce qui n'empêche pas que sa vision du monde et des choses soit fondamentalement cohérente. Et quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue, je dirais, avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Hein, je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois un croyant. Non plus. Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est dans l'acte d'écrire. Ça veut dire qu'une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi. Il est difficile, il est impossible de croire que le Dieu bon, le Père, est trempé dans le scandale de la création. Tout fait penser qu'il n'y prit aucune part, qu'elle relève d'un Dieu sans scrupules, d'un Dieu taré. La bonté ne crée pas, elle manque d'imagination. Or, il en faut pour fabriquer un monde, si bâclé soit-il. C'est à la rigueur du mélange de la bonté et de la méchanceté que peut surgir un acte ou une œuvre, ou un univers. En partant d'une autre, il est en tout cas autrement aisé de remonter à un dieu suspect qu'à un dieu honorable. Le dieu bon, décidément, n'était pas outillé pour créer. Il possède tout, sauf la toute-puissance. Grand par ses déficiences, anémie et bonté vont de pair, il est le prototype de l'inefficacité, il ne peut aider personne. Nous ne nous accrochons d'ailleurs à lui que lorsque nous dépouillons notre dimension historique. Dès que nous la réintégrons, il nous est étranger, il nous est incompréhensible. Il n'a rien qui fascine, il n'a rien d'un monstre. Et c'est alors que nous nous tournons vers le Créateur, Dieu inférieur et affairé, instigateur des événements. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons d'Émile Suran cette semaine, aujourd'hui en compagnie de la philosophe Simona Modreanu, qui est avec nous depuis Iași en Roumanie. Il y a eu une petite coupure tout à l'heure, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous, Simona? Je n'ai jamais cessé d'être avec vous. C'est parfait. On dirait Dieu qui s'adresse à ses fidèles. Ça me va très bien. Et donc, par la voix de Suran. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'en profite avant de rebondir sur ce qu'on vient d'entendre. Comment est-ce que Suran est perçu en Roumanie? Est-ce qu'il y a une dimension divine, justement? Est-ce que Suran, l'espèce de dieu des intellectuels roumains? Oui et non. Là aussi, je vous donnerai une réponse à l'assurant. Il y a eu dans un premier temps, tout de suite après la Révolution, bien sûr un engouement extraordinaire. Enfin, tout le monde lisait Suran, on s'arrachait ses textes, on le traduisait à tout va, puisqu'avant, on n'avait pas tellement eu la possibilité d'avoir accès à ces ouvrages. Et puis après, évidemment, plus les commentaires, les exégèses, les textes, les livres sur Suran ont commencé à apparaître, plus il y a eu, mettons globalement, deux courants de pensée. Bon, l'un qui voit en lui, évidemment, une espèce de penseur phare de la postmodernité. Et nous sommes très heureux qu'il soit d'origine roumaine, évidemment, même s'il est d'expression française. Et de l'autre, certes, il y a eu certains doutes et débats autour de ses choix idéologiques, mettons, de jeunesse, avec lesquels il a pris ses distances, d'ailleurs, assez rapidement une fois arrivé en France. Donc, je ne dirais pas qu'il soit entouré d'une aura de saints, oui, loin de là, ce qu'il aurait détesté par ailleurs. Mais il fait souvent l'objet de débats, de colloques, de thèses de doctorat de plus en plus, ce qu'il aurait détesté également. Mais bon, c'est ainsi. Donc, on en parle de temps en temps, mais globalement, il y a passablement... il y a assez peu de gens qui se rapprochent véritablement de sa pensée. Puisqu'afin de pouvoir la saisir dans toute sa complexité, il faudrait certes avoir certaines lectures à la fois philosophiques, religieuses, littéraires, puisque Suran donne, vous l'avez certainement vu, très rarement ses sources. Il cite rarement les auteurs ou les ouvrages dont il tire certaines idées ou certaines citations. Donc il faut tout deviner, il faut reconstituer son cheminement de pensée. Et ce n'est pas toujours facile, et il ne facilite pas les choses, évidemment. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je ne sais pas si vous avez pu entendre l'archive de 1973 sur la RTBF, dans laquelle il disait qu'il précisait qu'il n'était ni croyant ni incroyant, mais en tout cas, lorsqu'il écrivait, il dialoguait avec Dieu, et Dieu était, selon cette expression magnifique, plus seul que soi. Et dans le texte qu'on a entendu ensuite, une lecture par Jean-Louis Jacopin du Mauvais Démiurge, il présente ce Dieu, alors certes seul, mais aussi taré, qui est le prototype de l'inefficacité, qui est inférieur et affairé, et qui a fait un monde bâclé. Je dois dire que le Dieu tel que Suran le présente est assez sympathique, parce qu'il nous ressemble. C'est un Dieu imparfait, et on entend rarement un Dieu présenté ainsi. C'est vrai, mais ça c'est le mauvais démiurge, le diable, j'y arriverai. Mais en écoutant cet extrait de vos archives, je pensais, justement à ce que, enfin, l'un des reproches principaux de Seurin à l'adresse de Dieu, c'est notre détachement de lui. En fait, Seurin est un grand nostalgique, il a toujours déploré le fait que nous ayons été éjectés, expulsés du paradis, et que cette relation, ce cordon ombilical avec Dieu, avec l'un, il parle souvent de l'un, surtout lorsqu'il est sous l'influence orientale, bouddhiste, il parle beaucoup de l'un ou de l'unité. Nous avons été donc chassés de cette unité, ce que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas pourquoi cela a été fait. Et d'ailleurs, si on lit attentivement le commentaire de Seurin autour de l'immortalité et des deux arbres du paradis, on voit que dans son esprit, Dieu n'était pas intéressé par l'immortalité possible de l'homme. Il ne craignait pas l'immortalité d'un ignorant. Ce qu'il craignait, c'était l'accès de l'homme à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et très souvent, Seurin réfléchit sur cette question en ajoutant qu'en fait, au paradis, personne ne se souciait de Dieu. On n'avait pas la conscience de Dieu puisqu'on vivait en lui. C'est la chute seule qui a fait naître cette étrange curiosité, et que sans la faute, sans le péché, mais là, il va plutôt dans le sens de Pélage, il aimerait éliminer la notion de péché. Donc, sans ce péché, on n'aurait pas de conscience de l'existence divine. Et il se demande fondamentalement, qu'y a-t-il de si terrible, à la limite, dans cette perspective de l'appréhension de Dieu par un être dont la destinée est transitoire et garantit de toute façon la préservation du secret dans sa mort, alors qu'une rivalité en éternité, donc si l'homme avait eu accès à l'arbre de vie, aurait dû être beaucoup plus inquiétante. Mais bon, là, il se rapproche, vous avez parlé de mauvais démiurge, de diable, de cette figure qui est parfois sympathique, elle l'est effectivement. Et là, je dirais, bon, avant de retrouver les gnostiques, qu'en fait, je crois qu'on est le seul peuple au monde qui donne, dans le langage familier, dans le langage populaire, qui donne un nom, qui est un diminutif câlin au diable, Satan, qui est Agiout. Agiout est un synonyme du diable, mais qui vient donc étymologiquement d'Agios, qui en grec signifie saint. Donc voilà notre petit saint dérivé d'Agios, qui est en fait la version populaire sympathique de ce trickster universel, non, de cet embrouilleur global qui est tout à fait humain et qui fait plein de bêtises, donc qui est compréhensible, qui est à notre portée. Mais le mauvais démiurge est l'un des mythes les plus passionnants de la tradition gnostique, et on peut dire que c'est autour de lui que s'organisent les grands sommets de la relation seurinienne à Dieu. Oui, donc vous voulez dire juste que ce mauvais démiurge, donc je le rappelle, c'est le titre d'un ouvrage de Seurin qui paraît en 69, est quelque chose qui existe dans la langue, dans la culture roumaine. On sait que Seurin a été beaucoup influencé par, vous avez parlé de la gnose, dans le folklore roumain, notamment du bogomilisme, peut-être vous pouvez en dire un mot, mais ça veut dire que cette idée, il ne la crée pas, elle vient de sa culture roumaine. Elle vient de sa culture romaine dont il était forcément emprunt et qui, même par ses canons souterrains, puisque je ne saurais vous dire s'il en était tout le temps conscient, mais ça apparaît certainement dans le profil qu'il donne, qu'il fait, qu'il dessine de ce diable à certains moments. Par ailleurs, oui, il a subi l'influence des grands mythes gnostiques, et notamment ceux de Marcion ou de Basilide, qui sont d'une beauté exceptionnelle. Mais bon, surtout des mythes manichéens et mazdéens. D'ailleurs, on parle dans ces contrées, dans les Balkans, d'une espèce d'orphisme ethnique, c'est Hugo Bien qui en parle, qui définirait une espèce de penchant de l'esprit traditionnel roumain et balkanique en général, vers ces légendes dualistes. Mmh. Mais de fait, ni le manichéisme, malgré ce qu'on en pense, ni le mazdéisme, ni plein d'autres, ne sont dualistes à temps plein, puisque dualisme signifie poser deux principes coéternels, définitoires, absolus, à l'origine de la création. Deux principes éternels et contraires, évidemment opposés. Or, si on lit le livre de Magne, enfin les mythes manichéens, on voit que finalement le Père de Lumière, donc qui est le Dieu absolu, le Dieu Deus absconditus, non, de Maître Eckhart, ou le Dieu inconnu de Saint Jean de la Croix, donc ce Dieu-là qui est ailleurs, n'est pas responsable de la création. Et qu'il a laissé le mauvais démiurge, qui est souvent assimilé à Lucifer, à Satan, qui a laissé le mauvais démiurge, qui a son équivalent biblique dans le Dieu justicier de l'Ancien Testament, non, le Dieu qui est souvent ce Dieu très violent, vindicatif, et ainsi de suite. Donc il y a une différence essentielle entre Dieu, le Dieu tout de suite après le néant, non, qui commence la création, le néant est une autre notion très compliquée chez Sioran, et puis ce mauvais démiurge qui est responsable de la création du monde et de l'univers. Et la plupart des doctrines dualistes ne le sont pas à 100%, puisqu'il y a toujours une absorption du mal dans le bien. Il y a un combat final entre les fils des ténèbres et les fils de lumière, où apparemment, dans le mythe de Mani, apparemment les fils des ténèbres engloutissent les fils de lumière, donc ils clament la victoire finale, mais en les engloutissant, ils incorporent la lumière de ces gens-là. Donc le mal n'est jamais mal à 100%, il y a toujours une étincelle, non, cette étincelle dont parlait Maître Eckhart, qui subsiste dans l'être humain. Oui. Or, chez les bogomils, puisque vous avez évoqué les bogomils, les bogomils sont plus tranchants. Le bogomilisme est une version radicale du dualisme d'origine iranienne, enfin extrême orientale, qui est arrivé en Roumanie à travers les Balkans, la Bulgarie, et dont le bogomilisme, qui partage donc avec les traces, non, nos ancêtres, que Sioran évoque parfois, il dit que je n'oublie pas que j'ai partagé avec les traces, enfin que j'ai vécu dans la même contrée, donc il partage une vision pessimiste du monde. Ces gens-là pleuraient à la naissance d'un bébé et se réjouissaient à la mort de quelqu'un, ils dansaient. Puisque, et là il est très gnostique également, le monde est une prison, le corps humain est une prison, et donc toute la vie est un perpétuel combat pour se délivrer de ce carcan, de cette camisole de force qui nous a été imposée, on ne sait pas pourquoi. Le mot « bien » me donne envie de vomir, tant il est fade et inexpressif. La morale nous enjoint d'œuvrer pour le triomphe du bien. De quelle façon ? Par l'accomplissement du devoir, le respect, le sacrifice, la modestie, etc. Je n'y vois pour ma part que paroles vagues et vides de sens. Devant le fait brut, les principes moraux se révèlent si vains qu'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux, en fin de compte, vivre sans critères. J'aimerais un monde qui n'en contiendrait aucun, sans forme ni principe, un monde de l'indétermination. J'envisage un monde de fantaisie et de rêve où débattre sur le bien fondé des normes n'aurait plus aucun sens. Puisque, de toute manière, la réalité est irrationnelle dans son essence, à quoi bon séparer le bien du mal? À quoi bon distinguer quoi que ce soit? Ceux qui soutiennent qu'on peut, malgré tout, sauver la morale devant l'éternité, se trompent du tout au tout. L'éternité ne mène ni au triomphe du bien, ni à celui du mal. Elle annule tout. En quoi ma souffrance me ferait-elle durer plus longtemps qu'un bon vivant? Objectivement parlant, que peut bien signifier le fait qu'un individu se crispe dans l'agonie tandis qu'un autre se vautre dans la volupté? Qu'on souffre ou non, le néant nous engloutira indifféremment, irrémédiablement et pour toujours. Je crois qu'on est qui pour faire du mal, c'est pas, dans le sens, en fait, supérieur du mot quand même, pour troubler, c'est pas, parce que moi-même, tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu pour être troublé. un écrivain qui ne me martyrise pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. Il faut que quelqu'un vous fasse souffrir, n'est-ce pas? Autrement, je ne vois pas la nécessité de lire. Vous savez, de toute façon, étant donné que la vie est ce qu'elle est, n'est-ce pas, c'est une chose absolument terrible, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi on la maquillerait, n'est-ce pas? Ça signifie absolument pourquoi est-ce qu'on a monté le problème? Le problème du mal, c'est un problème réel, c'est un problème qu'on s'est posé depuis toujours. Enfin, la jeunesse commence par les problèmes du mal. On ne peut pas traiter ce problème, avec de bons sentiments, n'est-ce pas? Il faut avoir le courage d'être cruel, n'est-ce pas? Enfin, surtout sur le plan théorique. Et ça, je me reconnais une sorte de férocité intellectuelle, si vous voulez. Mais c'est que on ne peut pas parler du mal de ces choses-là autrement, n'est-ce pas? Alors aidez-nous à comprendre Simona Modreanu, parce que si on écoute Cioran attentivement, on l'entend dire dans le texte qui a été lu par Denis Podalydès que le mot « bien » lui donne envie de vomir, tant il est fade et inexpressif. Et on l'entend dire cette fois-ci, c'était sa propre voix que vous avez entendue, toujours en 1973 sur la RTBF, que pour lui, écrire et lire, c'était forcément faire du mal, et que si on ne souffrait pas en écrivant et en lisant, ça ne servait à rien. Il est difficile de ne pas entendre dans ces deux moments une sorte, alors corrigez-moi, je le fais à dessein, une sorte d'apologie du mal. Pourquoi le mal semble ici l'emporter sur le bien? Absolument pas. Enfin, excusez-moi de vous contredire, non, je ne pense pas que ce soit... Oui, j'ai compris. C'est pas une apologie du mal, mais bon, je rebondis sur l'extrait de Cioran lui-même. Effectivement, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, il a toujours... Bon, il écrit pour ne pas se suicider, donc il écrit pour se sauver lui-même, pour que quelque chose perdure, bon, sans avoir cette dimension esthétique vitale de ontologie que lui donnait Proust, par exemple. Et d'un autre côté, il a toujours écrit pour déranger le lecteur, pour le confondre, pour le brusquer, pour le faire tomber de son canapé sur lequel il rêvasse dans les formes de la bien-pensante, des stéréotypies contemporaines. Donc il a toujours essayé de secouer ces clichés qui nous font vivre finalement, qui nous aident à vivre pour une bonne partie, mais qui en même temps empêchent une réflexion réelle de se développer. Donc ça c'est sûr, et d'ailleurs on le voit, il n'y a pas une seule phrase de Cioran qui nous conforte dans nos visions communes et traditionnelles. Non, à chaque fois, il y a quelque chose qui rompt avec la lecture habituelle. Quant au bien et au mal, bon, cette oscillation procède également d'un scepticisme moral gnostique qui dit que tout ce qui est cosmique finalement est indifférent par essence, les bouddhistes le disent aussi, enfin les hindouistes plutôt, que rien n'est naturellement bon ou mauvais avant l'option humaine. Autrement dit, si le mal provient du bien, c'est que le bien n'est pas si bon que ça. Ou alors le mal n'est pas si mauvais ou entièrement mauvais. Donc la vie en elle-même a une composante démoniaque. Aucun être n'est parfaitement pur. Et la seule concession que la raison accepte est celle de ce mélange d'ingrédients. Mais la séparation du bien et du mal relève du dualisme cioranien, tandis que cette confusion Dieu, mauvais démiurge, signale cette impatience de l'esprit flétrisseur qui est gêné dans l'exercice de sa dérision, puisque Cioran n'a que faire d'un dieu sympathique, d'un dieu qu'il appelle bon et débile, bon, qui apaise la brouille cosmique, qui instaure l'harmonie générale. Non, au contraire, Cioran pense que c'est nous qui sommes une espèce d'avorton, de sédiments du ciel, c'est nous donc qui avons créé un dieu à la hauteur de notre imagination anémique. Ce dieu doux et juste, sans duplicité, sans mystère, un dieu terne, un dieu débile, encore une fois, médiocrement pittoresque, comme il l'appelle. À notre image, en quelque sorte. À notre image, oui, un dieu qui manque d'intérêt, de vigueur, d'actualité, qui est un dieu qui aurait absorbé toute notre insolence vitale. Il n'a pas besoin de cette stabilité dans un éternel présent. C'est pourquoi il fait endosser à ce Dieu toutes ces malignités concrétisées dans les défaillances humaines. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour la morale dans la pensée d'Émile Cioran ? Ok, si, mais ça dépend à nouveau de ce que vous entendez par morale, puisque bon, c'est une question qui apparaît souvent quand au sujet du suicide, non? On lui a souvent demandé, mais pourquoi vous ne vous êtes pas suicidé, puisque vous en parlez si souvent. Et il a fait plusieurs réponses, mais dans l'une d'entre elles, il dit, je professe en quelque sorte, je ne le cite pas exactement, je professe le suicide par écrit, puisque c'est une issue philosophique, mais je ne le professe pas dans les discours parlés, puisqu'à ce moment-là, il s'agit d'être humain avec tout son bagage de souffrance, de sensibilité, d'émotion, et que les choses sont totalement différentes. Donc si, Cioran avait évidemment le sens de la morale, mais ce sens de la morale passait par l'enseignement du doute. Oui. Donc effectivement, Cioran retrouve les grands sceptiques de l'Antiquité là-dessus, à savoir que on ne peut faire un plus grand cadeau aux lecteurs que de les inciter à douter de toute leur certitude, à se poser des questions. Ce n'est pas un problème de démantèlement foncier de toutes nos croyances et de toutes nos assises, puisqu'à ce moment-là, évidemment, le chaos s'ensuivrait et on ne ferait plus rien du tout. Enfin, on aboutirait à un immobilisme total. Non, mais c'est cette négation qui se positive dans l'exercice de cette dialectique du doute, non, une négation dont parlait Bachelard également, et qui est nécessaire finalement à tout équilibre. Il n'y a pas d'équilibre sans déséquilibre, il n'y a pas d'ordre sans le désordre. Alors Cioran déplorait le fait que toutes nos sociétés contemporaines tendent finalement à évacuer le désordre et les déséquilibres de notre quotidien pour un soi-disant bien-être général. Mais ce bien-être n'est que ponctuel, n'est que provisoire, n'est qu'instantané. Et que si on essaye de le prolonger, de lui donner un caractère général, à ce moment-là, il se tourne dans son contraire. Et que finalement, c'est l'exercice de ce questionnement permanent qui est l'essentiel de la morale cioranienne. Y a-t-il Dieu ou non ? Certains philosophes ou certains essayistes brillants comme Cioran, qui a certainement lu les Gnostiques, pense qu'il y a un Dieu caché et qu'il y a un créateur bafoueur de second ordre, le mauvais démiurge ou un démon qui a fabriqué ce monde. Il est évident que nous vivons dans le désordre. Il est évident que nous sommes la proie du mal avec un grand M. Et il est incontestable que nous vivons dans le désordre. Eugène me téléphone. Il me dit qu'il ne peut plus rien écrire ni lire, qu'il voudrait attaquer les jeunes, mais qu'il ne sait comment. J'essaie de lui expliquer que cela n'a aucune espèce d'importance. Si pour le moment il ne peut plus rien écrire, son œuvre est là, elle existe, et qu'une pièce en plus ou en moins n'importe guère. Il me répond qu'il sent qu'il a encore quelque chose à dire. Je lui réponds que cela est sans doute vrai, mais qu'enfin l'important est d'avoir dit ce qu'il avait à dire sur la mort, l'unique problème qui compte, et que le reste est secondaire. mais il me dit qu'il est rongé par le remords, qu'il se tourmente. Je pense que j'ai avec lui des affinités profondes, que nous sommes presque aussi anxieux l'un que l'autre, mais que son malheur actuel est plus grand que le mien. Il me fait une peine infinie qui confine au désespoir. À quoi sert la fortune, la gloire, si on est plus misérable que le plus inconnu et le plus déshérité des hommes ? Je repense à ce qu'il m'a dit, il y a plus de 2 mois. « Toi, m'a dit Eugène, tu es gai et tu as écrit des livres pessimistes. Moi, je suis triste et j'ai écrit des livres gais. » Il est intéressant d'entendre la manière qu'a Eugène Ionesco de présenter l'hypothèse du mauvais démiurge. Selon Cioran, c'était une archive du 23 juillet 1978 sur France 3. Et puis ensuite de découvrir dans les cahiers de Cioran comment celui-ci parle de son ami Eugène Ionesco. Le texte est touchant, il essaie de lui venir en aide. Et cette formule qui semble tout résumer, Ionesco lui dit à Cioran « Tu es gai, tu écris des livres pessimistes. Moi, Ionesco, je suis triste et j'ai écrit des livres gais. » Est-ce que ça résume bien leur différence et leur affinité, Simona Modreanu ? Tout à fait. C'était de grands copains, en effet, et surtout des camarades en désastre, en catastrophe. Alors, ils passaient des journées entières, et surtout des nuits, souvent jusqu'à 5 heures du matin. On les retrouvait sur des trottoirs parisiens, en train de passer le monde, l'univers, l'homme à la moulinette. Et après, Cioran rebondissait, tout gai, en changeant de sujet, en parlant sur autre chose, en éclatant d'un grand rire, ce qui laissait Ionesco pantois. De fait, je crois qu'au-delà de leurs ressemblances qui sont énormes, il s'agit de deux manières d'être au monde. Ionesco, qui a par ailleurs vécu une expérience d'illumination, un miracle, comme il l'appelle, dont il ne s'est jamais remis, donc Ionesco était plus croyant que Cioran, si on peut dire ainsi. À un moment donné, à Bucarest, les chiens avaient cessé d'aboyer, s'étaient mis à chanter, enfin, les maisons étaient baignées de lumière, tout avait changé d'aspect. Donc il n'a jamais pu retrouver, rééditer cette sensation qui l'a profondément marqué. Mais par ailleurs... Qu'il décrit dans le journal en miettes, pardonnez-moi, on trouve cette expérience dans son journal en miettes. Tout à fait, et c'est toujours dans le journal en miettes qu'il écrit, à un moment donné, en somme, je veux également être et mourir. Donc il s'agit de ce dualisme pulsionnel qui était parfaitement intégré, accepté par Cioran, qui vivait cette opposition et cette unité de l'instinct de vie et du désir de mort, alors que Ionesco avait beaucoup de mal, ou beaucoup plus de mal, avec ce « et ». Pour lui, c'était tragique de se sentir tiraillé, non écartelé entre ces deux sensations contraires, de vie et de mort, de gaieté et de tristesse, de solitude et de, enfin, d'unité, de complémentarité. C'est une dimension que l'on retrouve dans sa pièce, dans Le Roi se meurt, qui est tout à fait superbe, et surtout dans l'image des deux reines, bon, les deux reines qui représentent les deux extrêmes. Donc, cette petite conjonction qui définit Cioran et qui la dépasse en l'absorbant, qui est finalement sa pilule de survie, pour ainsi dire, est beaucoup plus difficile à avaler pour Ionesco, qui aimerait un peu plus d'assises ontologiques. Mmh. Parce que les deux ont en commun d'être des Roumains, évidemment, et d'entretenir une relation, elle aussi, sans doute ambivalente avec la Roumanie. Et les deux ont ce rapport paradoxal à l'existence, finalement. C'est un mot qu'on n'a pas employé, que Cioran emploie à propos de Dieu, que vous avez repris dans votre livre, Simona Modreanu, aux éditions du Rocher, le Dieu paradoxal de Cioran. Finalement, c'est peut-être le mot qui résume le mieux la pensée et le rapport au monde, au fait, qu'a Cioran et qu'il développe dans ce livre. Tout à fait. Et sur toutes les questions du mal, de l'existence, de la chute, du péché... Il y a cette définition qui remonte à leurs origines, à leur origine commune qui est romaine, et à cette pulsion foncière qui allait dans les deux sens, puisque dans la pensée traditionnelle romaine, il n'y a pas de néant, il n'y a pas d'alternative existentielle, il n'y a pas d'irrémédiable. Le virtuel, donc le potentiel et l'actuel, existent sur le même plan de présence, ce qui est assez difficile à accepter pour un occidental, et c'est ce qui les a attirés tous les deux vers la pensée orientale, vers l'hindouisme. Sauf que là, seront à buter contre l'absence du mal, ou cette idée de détachement, non, d'élimination de la souffrance. Or, Sioran ne saurait vivre en dehors du sens de la souffrance qui lui permet, à son avis, d'avoir une dignité d'homme et de ne pas être qu'une marionnette universelle du mauvais démiurge ou du bon Dieu, du Dieu fainéant, de qui vous voulez. Merci infiniment, Simona Modreanu, d'avoir parlé de Sioran avec nous ce matin, depuis chez vous, depuis la Roumanie, donc à Iași. C'était un plaisir de vous entendre en parler. Merci beaucoup à vous de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup. Et je renvoie les auditeurs à votre livre, Le Dieu paradoxal de Sioran, qu'on trouve aux éditions du Rocher. On trouve aussi un ouvrage sur Sioran aux éditions Oxus que vous avez publié en 2003. On l'a cité en début d'émission, la bande dessinée, enfin le livre dessiné avec des dessins de Patrice Rétier sur Sioran, On ne peut vivre qu'à Paris. On la trouve aux éditions Bibliothèque Rivage. Vous proposiez de changer le titre avec On ne peut mourir qu'à Paris. À méditer donc. On se quitte avec un dernier son de Sioran, les rares extases qu'il a connues, eh bien l'une d'entre elles était musicale et surtout avec la musique de Bach. Je n'aime pas toute la musique, mais la musique a joué dans ma jeunesse un très grand rôle, moins maintenant. Mais dans ma jeunesse, c'est un rôle capital et je dois dire qu'une de mes grandes passions, très très grande passion, ça a été Bach. De toutes mes passions, c'est celle qui est restée absolument intacte. Et je dois dire que même ma passion pour Dostoïevski a diminué, mais pas celle pour Bach. Et je n'essaie pas d'expliquer cette passion. Je dis Bach parce que c'est le musicien que j'aime le plus, mais enfin, je pratique un peu tout dans la musique. Mais quand même, je m'en tiens à Bach parce que ça a été pour moi une espèce de religion. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on se quitte avec la passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, évidemment, après la voix d'Émile Sioran, pour nous accompagner en douceur vers la voix d'Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Philippe Stark est-il le boomer alpha? Alors, inutile de rappeler qui est Philippe Stark, le meilleur designer de sa génération. Non pas, d'ailleurs, qu'il ait désigné les plus beaux objets, mais qu'il ait désigné le métier de designer lui-même. Rien que son nom est génial, un nom d'authentique super-héros. D'ailleurs, son père, comme celui de Tony Stark, dessinait lui aussi des avions. Alors Stark, c'est une promesse de génie et mieux encore, une mise en scène de ce génie lui-même. J'étais ainsi allé voir son exposition à Beaubourg en 2003 et j'avais adoré la façon dont il avait projeté son visage sur des bustes d'empereurs romains, des bustes d'empereurs qui l'animaient de son génie, expliquant, répétant à quel point il était irremplaçablement doué. Vous voulez dire que l'arrogance serait le propre du boomer ? Bah, s'il y avait que l'arrogance, sans doute. Mais il y avait aussi la sympathie. On fait difficilement plus sympathique que Stark. Plus heureux, peut-être, heureux d'être né en 1949 du bon côté du siècle, d'avoir connu les Trente Glorieuses, d'en être sorti glorieux lui-même dans les scintillantes années 80, satisfait également d'avoir pu apporter un peu de gravité, la gravité bleutée des télés de l'époque, dans les années 90, avant de sauter hilar dans les années 2000, pleine de nouvelles révolutions. Révolution, c'est le nom de la Freebox qu'il a dessinée en 2010. Alors quand je me suis abonné à son compte Instagram, c'était avec la certitude de revisiter les quatre dernières décennies, celles que j'ai connues comme une aventure exaltante. Stark, c'était l'impression que j'avais, était l'un des derniers à croire encore au destin de l'humanité. C'était peut-être cela son œuvre principale, son testament de boomer. Ce n'était pas des brosses à dents en dernier lieu qu'il avait dessiné, mais notre destin lui-même, avec cette manie qu'il avait de nous faire croire que tous nos problèmes étaient solubles dans le bon précipité de plastique et d'intelligence. Mais le Stark que j'ai découvert sur Instagram m'a un peu déçu. On aurait dit qu'il ne faisait plus que dessiner des super-yachts. L'idole avait incontestablement vieilli. Oui, en effet. De toute façon, avec les super-yachts, on n'est plus vraiment du côté de la démocratisation du design. Bah voilà, c'est exactement ça le problème. Philip Stark ressemblait à mes oncles qui roulent en SUV. C'était un peu décevant. Heureusement, il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé intact ou tel que je le fantasmais sur le pont d'un de ses bateaux chéris. C'était une petite vidéo, il s'exprimait en anglais, absolument hors de tout contexte. À nous de compléter, de déterminer s'il parlait du climat, du populisme ou du Covid. Nous trouverons, disait-il, nous trouverons une solution. Nous avons toujours trouvé une solution, car nous sommes géniaux. Seul quelqu'un qui a eu 20 ans l'été où l'homme a marché sur la Lune peut sans doute exprimer un tel niveau d'optimisme. Nous trouverons, car nous avons toujours trouvé, c'était dit avec une légèreté qui confinait presque à la grâce, une joyeuse irresponsabilité qui confinait presque au quiétisme. Je ne suis même pas sûr que Léonard de Vinci ait témoigné à la Renaissance d'un tel niveau d'optimisme. Le dessinateur de la brosse à dents fluocaryle m'a paru un instant mieux maîtriser son sujet que le peintre de la Joconde, ou bien j'étais sous le charme d'une monstrueuse bêtise. Donc alors, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Que Philip Stark serait une sorte de prophète, ou alors simplement le boomer alpha, comme vous le disiez, l'irresponsable en chef? Bah, difficile à dire, évidemment. Tous ces yachts n'ont pas l'air spécialement décarbonés. D'un autre côté, l'homme de Vitruve d'aujourd'hui est à ce point dépassé, englouti par le monde industriel, même la mer est pleine de brosses à dents, qu'on imagine de plus en plus difficilement une solution absolument en dehors du monde industriel. Alors non seulement Stark a gagné, mais même s'il a perdu, c'est à lui que nous devrons faire appel. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda qui réalisent pour vous cette semaine sur Suran. À la prise de son aujourd'hui, c'était Sylvain Latu, à la lecture des textes de Denis Podalydès. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série autour des mines Suran. On sera en compagnie de Constantin Zaharia. Et on commentera cette citation de Suran que j'adore. Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter. Et oui, la mélancolie et l'humour seront au programme demain à 10h. D'ici là, réécoutez cette émission, c'est très facile, sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct ou en téléchargement justement en podcast, comme ça vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins vous attend également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.